Avec ces filles qui ne me connaissent pas, elles sont toutes là sur mon écran plat. Elles se dévoilent juste devant moi. On se rencontre au moins une fois. Qu'elles me désirent autant que moi, je n'en doute pas. Lola, la belle Irina, Catalina et Vanessa, Sofia et la grande Anna, Alexandra et Tatiana, Tina avec Elina, les jeux spéciaux de Daniela, Tania et son petit chat, la Natalia et la gourmande Priscilla. Et là, au bord d'une piscine, est traité comme un roi, avec ses filles qui se prélassent près de moi. Anna, Alexandra et Tatiana, Tina avec Elina, les jeux spéciaux de Daniela, Tania et son petit chat, la Natalia et la gourmande Priscilla. Avec Elina, les jeux spéciaux de Daniela, Tania et son petit chat, la Natalia et la gourmande Priscilla.